J'éprendrai les dessins de tes lèvres qui chantent sans dire un mot. Ton regard qui défie ou qui rêve, où vont danser les oiseaux. Je prendrai tes cheveux où s'allument les mille soleils d'été. Et ce rien d'injustice ou de brime, ces mots qui te font pleurer. Je prendrai ta lumière et car tu es la première qui a si éclairé ma maison. Puis j'irai les crier à la terre, c'est toi ma chanson. Je prendrai tous tes gestes qui volent, qui sont si légers, légers. Et tes mains dans les lignes un peu folles m'ont fait longtemps voyager. Je prendrai ta pudeur et ta tendresse, le mal que tu fais souvent. Je prendrai tout de toi, la tigresse, la louve et surtout l'enfant. Je prendrai tes colères et tes espoirs et tes misères, ce que tu m'as donné de passion. Et j'irai les crier à la terre, c'est toi ma chanson. Je prendrai ta lumière car tu es la première qui a si éclairé ma maison. Puis j'irai les crier à la terre, c'est toi ma chanson.